love, give me love, girl. Give me your love, girl. Des bijoux, des yeux, on nous t'est croisé. C'est tout comme moi qui vine embraser. En vérité, pas tes péris. Yes, me love, me love. Yes, me love.